se me blâme. Le ciel est bleu pourtant. Qu'est-ce que je fais là, bon sang? Le bonheur est là-bas. Le destin nous aidera. Il y aura des obstacles et de mauvais oracles. Je vois bien que tu perds confiance, que tu me maudis quand je te souris. Tu es si lasse d'attendre. Moi je t'aime encore avec tant d'aisance que tous les pays que je t'ai prédit pourraient bien te surprendre. Je ne suis jamais parti, je n'ai pas vu l'atoll. Ça n'a plus d'importance, bientôt la délivrance. Mais ici trop calme et ma conscience me blâme. Le ciel est bleu pourtant. Qu'est-ce que je fous là, bon sang? Je vois bien que tu perds confiance, que tu me maudis quand je te souris. Tu es si lasse d'attendre. Moi je t'aime encore avec tant d'aisance que ces nouvelles vies que je t'ai prédit pourraient bien te surprendre. Que tu me maudis, que ton teint joli irrite ta prestance. Moi je t'ai aimé avec tant d'aisance que tous les pays que j'avais promis nous acclament d'avance. Je vois bien que tu perds patience, que tu me maudis, que ton teint joli irrite ta prestance. Moi je t'ai aimé avec tant d'aisance que tous les pays que j'avais promis nous acclament d'avance.